Dossier 1. Leçon 3. Candidature. Activité 8. Alors voilà, je m'appelle Adriana, j'ai 24 ans. Je suis colombienne, mais actuellement j'habite aux États-Unis. J'étudie l'architecture à New York. Les monuments, c'est ma passion. Je rêve de visiter Notre-Dame de Paris.